Il y a 4 ans, je découvrais avec joie un nouveau YouTuber qui faisait des vidéos passionnantes sur l'économie, Eureka. Ni une ni deux, je lui propose de venir dans le podcast pour nous parler d'économie comme il sait le faire, de manière compréhensible et en s'attaquant à des questions très concrètes qu'on se pose tous. Il accepte et j'oublie de lui répondre et d'organiser l'émission. Et donc, nous voici en 2020, 4 ans plus tard, il a maintenant 200 000 abonnés au compteur et surtout vient de sortir un livre passionnant, tout sur l'économie. Et nous allons profiter de ça pour rattraper notre retard au cours d'une discussion sur les sujets de son livre. Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'émission 423. Alors, bienvenue à tous. Ce soir, une fois n'est pas coutume, surtout avec moi, on parle d'économie. On a le plaisir de recevoir Eureka, qui propose une chaîne fantastique sur l'économie, avec de beaux schémas dont il s'est fait une marque de fabrique. Mais si on le reçoit aujourd'hui, ce n'est pas pour vous dire de vous abonner à sa chaîne, de toute façon j'espère bien que c'est déjà fait, mais bien pour le livre qu'il a écrit et qu'il a sorti il y a quelques mois de mémoire, qui s'appelle « Tout sur l'économie ». On va tâcher de voir ce qu'est l'argent, si c'est important de rembourser ses dettes et s'il faut brûler les marchés financiers, bref, un vaste programme. Ce soir donc c'est moi Tube qui vous parle, j'ai commencé matheux de la bande, maintenant je parle un peu de n'importe quoi d'Animal Crossing à l'économie. Et autour de table on a donc Gilles depuis Londres, salut Gilles. Bonsoir à tous. On a Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. On a Johan depuis Paris en attente de test Covid. Salut. Cléora depuis Perduville. Hello à tous. On a Pascal depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde. Et donc moi-même depuis Tournefeuille, cette belle bourgade du sud-ouest de la France. Et ben du coup, je vous propose de y aller tout de suite. Donc avant de commencer un peu les questions, je vais vous présenter rapidement le travail de Gilles avant même de lui proposer d'en parler. Donc le livre dont on va parler ce soir, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter tout de suite, c'est un peu le livre d'économie que je rêvais de lire. C'est-à-dire qu'en ces temps de placement et en ces temps de placement produit, je dis ça en ayant acheté le livre et en l'ayant même déjà offert à plusieurs personnes. C'est un livre que je rêvais de lire parce qu'il aborde plein de questions que je me pose sur l'économie et où mon entourage ou les politiques tendent à avoir des questions rapides qui peinent à me convaincre. Du genre, comment on crée l'argent? Est-ce qu'on peut vraiment manquer de financement quand on est un État? Est-ce que c'est important de rembourser la dette? C'est quoi cette obsession pour le PIB? Bref. Plein de questions finalement assez importantes parce qu'on les entend tous les jours et où on entend beaucoup de gens qui sont très sûrs de ce qu'il faut faire, mais on a peu d'explications du pourquoi. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans son travail dont on va parler, c'est qu'il tente de les aborder avec une position plutôt factuelle et historique, ou du moins, je ne me suis pas encore rendu compte de gros biais, ou en tout cas, on en reparlera. Et on a tendance à l'oublier pour l'économie, mais comprendre les hypothèses de travail et les idées philosophiques d'une époque sont souvent très importantes à comprendre les résultats scientifiques sociétaux sur lesquels on est arrivé. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, on n'est ni là pour faire de la politique, ni pour répondre à des questions économico-politiques contemporaines. On va tâcher de rester podcast science, de parler de choses qui ont un peu plus de durée de vie. Et surtout, ce que j'aime dans le ton de Gilles avec qui on va parler là, c'est qu'il présente justement les hypothèses de travail. Donc, on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne tout ce bousin et pourquoi ça a été mis en place comme ça. Et du coup, comme j'ai beaucoup parlé de Gilles et qu'il a encore très peu parlé, je te propose peut-être de te présenter en quelques mots et de nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à parler de ça sur YouTube. Ok. Alors, commençons par une présentation chronologique. Ok, alors donc, j'ai 34 ans, je suis diplômé d'une école de commerce, j'ai absolument jamais fait d'économie à la fac ou quoi que ce soit, si un petit peu en école de commerce, un petit peu. J'ai surtout fait de la finance, voilà, à l'école. Ensuite, je suis devenu trader, enfin j'ai travaillé en salle des marchés pendant 7 années, entre Londres, Paris et New York, à la fin, oui, j'étais à New York. Et puis finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que mon boulot ne correspondait pas à mes valeurs, dirons-nous. C'est-à-dire qu'en finance, en travaillant en salle des marchés, je me suis posé beaucoup de questions sur comment fonctionne le monde, Alors que probablement, ce qu'on demande à un financier, c'est de se concentrer sur. En fait, les financiers, surtout en salle des marchés, c'est des techniciens, en fait. Hein. C'est des gens qui sont capables de vous décrire de façon très, très précise un tout petit pixel de la finance. Et on leur demande de toujours zoomer un petit peu plus proche de ce pixel pour le comprendre encore mieux et encore plus en détail. Et moi, ce que j'ai essayé de faire à partir de quelques années, c'est au contraire essayer de dézoomer. J'avais envie de comprendre ce que faisaient les gens autour de moi, à quoi servait la banque d'investissement d'une manière générale, qu'est-ce que c'est qu'une banque, qu'est-ce que c'est que la. Je sais pas, la banque centrale, etc. Et en fait, à force de faire ce travail-là, j'en suis arrivé à la conclusion que mon métier correspondait vraiment pas à mes valeurs, on va dire. Et donc, j'ai décidé de faire autre chose. D'où l'idée d'une chaîne YouTube. Là, je me suis dit, tiens, bah ça peut être une vraie bonne contribution. J'ai appris des trucs. Je peux peut-être essayer d'en parler. Il n'y a personne qui en parle. Alors, allons-y. Voilà. Et donc, la naissance de la chaîne en 2015 et la apparition du bouquin en 2019, parce qu'au bout de 4 ans de YouTube, à force de faire des vidéos et donc de lire énormément et de se renseigner énormément, j'en étais arrivé à un point où il me semblait que j'avais une compréhension assez globale du fonctionnement d'une économie moderne, dirons-nous, et que ça valait peut-être le coup de mettre tout ça au même endroit, donc dans un bouquin. Voilà. D'accord. Juste pour être très clair sur le métier de trader, donc en gros, c'est que tu achetais des actions, des parts d'entreprise et tu les revendais pour essayer, pour que l'entreprise dans laquelle tu travaillais fasse de la plus-value, c'est ça? Alors, c'est plus compliqué que ça. J'essaie de faire simple, hein, parce que ça va pas être le gros du sujet, mais c'est pour que les gens visualisent un D'accord. peu dans Mais quelle alors, partie du monde commençons de la économique tu étais, base. quoi. Comment? C'est quoi un trader? Alors, c'est quoi un trader? Je peux essayer de répondre peut-être de manière un peu plus. Un trader, en tout cas, un trader, c'est simplement quelqu'un qui se connecte au marché financier, qu'on peut visualiser comme étant une espèce de leboncoin.fr. Pour titres financiers, d'accord, où les gens achètent et vendent des produits financiers. Donc on peut passer des petites annonces ou répondre à des petites annonces d'achat ou de vente de produits financiers. Un trader, c'est n'importe qui se connecte à cette plateforme. Et donc il y a des traders qui bossent pour différents types d'institutions. Donc quand un trader travaille pour un fonds d'investissement, par exemple, effectivement, il cherche à acheter des produits financiers dont la valeur va grimper. Alors que moi, j'étais plutôt trader du côté d'une banque d'investissement, c'est-à-dire que j'étais un revendeur de produits financiers. C'est-à-dire, plutôt que de se connecter à la plateforme et de vendre ces 10 Clio d'occasion et donc il faut trouver un acheteur à chaque fois, eh ben, tu viens me voir moi et moi, je te les achète toutes. Sûr, je te donne un prix. Voilà. Alors, c'est peut-être pas le prix de la plateforme ou c'est peut-être pas le prix que tu trouverais si tu prenais le temps de bien décortiquer toutes les petites annonces sur la plateforme, sur le site internet, mais au moins, moi, je te donne un prix et je les achète toutes d'un coup. Et puis après, je les stocke. Voilà. Après, je les stocke dans mon petit hangar à produits financiers jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle et qui me dise, oh là là, j'ai pas le temps j'ai envie d'acheter 10 Clio, j'ai pas le temps de passer du temps sur la plateforme pour les acheter une par une, est-ce que tu n'en aurais pas à me vendre? Et moi, il se trouve, ah bah oui, j'en ai 10, paf, voilà, je peux les revendre. Donc, c'est un boulot différent de j'achète les produits financiers que j'estime les meilleurs, puisque je dois toujours répondre à l'offre des clients. Les clients m'appellent et ils me disent, voilà, moi j'ai ça à vendre. Potentiellement, c'est pourri, mais il faut faire un prix, il faut quand même les acheter. Ok, très clair. Je vais peut-être juste aborder un autre point assez important sur les présentations, qu'on sache un peu d'où tu parles. L'impression que j'ai eue dans ton bouquin et aussi dans pas mal de tes productions, c'est que tu allies beaucoup l'économie à la politique. D'ailleurs, ton livre, tu l'ouvres sur un chapitre qui s'appelle L'économie est une affaire absolument politique. Et tu conclus même avec la crise du Covid en parlant du fait que ça nous permet de réaliser que le système actuel, il n'a pas été fait pour valoriser certains de métiers qui sont très vitaux à la société, tout ce qui est côté chaîne alimentaire, santé, propreté de la ville, etc. Et ça tranche pas mal avec le discours économique qu'on peut entendre à la télévision ou même par d'autres personnes qu'on a pu recevoir, de système optimal, à la télé surtout, de seul bon système auquel on peut penser, voire de la notion dont on a parlé dans une précédente émission de consensus scientifique en économie. J'ai l'impression que ta vision de l'économie, elle est peut-être moins science dure que ça. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? C'est effectivement, en fait, donc comme j'ai dit, j'ai pas eu de cours d'économie, j'ai pas un cursus en sciences économiques. Moi, j'ai étudié la finance à l'école Et voilà. Et après, j'ai étudié énormément la finance en salle des marchés. Enfin, j'ai vu la finance en salle des marchés. Et j'ai appris un petit peu de l'économie déjà en salle, mais ce que j'ai appris de l'économie en salle, c'était très... Comment dire ? C'était pas très clair. Tu discutes avec un économiste, parce que donc les banques emploient des économistes hein, pour pondre des rapports, des notes, etc. Tu discutes avec un économiste, il t'explique que c'est noir, que de toute façon ça c'est noir, etc. Puis après tu discutes avec un autre économiste qui bosse dans un fonds d'investissement, et il te dit mais non, pas du tout, c'est orange, etc. Puis un autre, il va te dire mais non, mais c'est vert parce que ça. Et ils ont tous de très bons arguments et c'est très difficile de comprendre quelque chose. Et donc, quand je me suis penché sur les bouquins d'économie, qui sont les bouquins qui servent de base à l'enseignement de l'économie à la fac, dans les écoles, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, alors il y a plein de problèmes dans tous les sens pour moi, mais en gros, j'ai l'impression que cette science, qui est la science économique, alors en fait... On a l'impression, quand j'ai creusé, moi, je suis tombé sur énormément de mathématiques, mais des mathématiques qui se raccrochent à pas grand-chose dans la réalité, en fait. C'est-à-dire, les économistes parlent d'hypothèses simplificatrices, mais la simplification, c'est un truc qui est difficile à jauger, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas si tu veux imaginer, par exemple, tu prends ma taille et tu te dis, ok. Gilles, où est-ce que je le mets dans la distribution de taille d'une population, par exemple ? Bon, je te dis que je fais 1m82. Si tu arrondis à 1m80, ça va à peu près. Mais si tu arrondis à 2 mètres, c'est plus une simplification. Là, tu te trompes complètement. Donc, où est la simplification ? Quand l'économie va dire, par exemple, on va considérer qu'il n'y a pas de monnaie dans le système. Est-ce que c'est une simplification ou est-ce que c'est juste un truc totalement irréaliste ? Donc, c'est très difficile de sentir ça, surtout dans un système ultra complexe comme l'économie. En physique, tu dis « Ok, je néglige les frottements de l'air », derrière, tu fais des expériences et tout, ça tombe à peu près là où tu as prédit « Ok, tu peux négliger les frottements de l'air ». Mais en économie, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup trop complexe pour savoir exactement si tu as trop simplifié et que du coup, c'est complètement irréaliste ou si au contraire, c'est valable. Et on dirait que la science économique, elle simplifie partout parce qu'elle veut absolument mettre des maths derrière. Et donc, du coup, elle aboutit à un truc. Il y a des maths. Il y a des maths, c'est clair, mais alors est-ce que ça décrit le réel? Pas du tout, en fait. Pas du tout. Et on a des intuitions sur comment fonctionne l'économie et quels sont les problèmes. Et en économie, on va pas du tout retrouver ça parce qu'ils ont construit un édifice qui est vraiment très, très, très théorique avec beaucoup de maths dedans. Et du coup, pour moi, ça fait que la science économique, elle véhicule un message qui est éminemment politique, qui est. On a tout compris, on sait exactement comment ça marche, faites-nous confiance, si vous voulez plus de ça, il faut faire comme ça, si vous voulez moins de ça, il faut faire comme ci, etc. Alors qu'en fait, tout ça, c'est basé sur des modèles qui décrivent pas du tout le réel, quoi. Et donc, du coup, en ce sens, ça me semble être politique, parce que j'ai l'impression que là où les autres sciences sociales, parce que donc l'économie, c'est une science sociale, là où les autres sciences sociales sont un peu plus honnêtes, en disant « bon, c'est compliqué, on ne sait pas trop, on a l'impression que ça, on constate ça », les économistes, ils arrivent avec leurs équations en disant « non mais on a compris, faites-nous confiance », alors qu'en fait non. Et donc, en ce sens, pour moi, c'est très, très, très politique. D'autant plus que la manière dont la science est enseignée, elle ne dit pas qu'elle n'est pas descriptive, qu'elle décrit pas correctement le réel, qu'elle fait des simplifications dans tous les sens, où elle n'est pas très claire. Donc du coup, quand on a fait, une licence d'éco ou même un master, on sort de là, on se dit, c'est bon, j'ai tout compris, faut maximiser son profit, faut être égoïste, il faut essayer de couper les prix, couper les coûts dans tous les sens, et ça va maximiser l'utilité de la société, quoi. Donc en fait, c'est un message politique qu'on distribue à des étudiants qui derrière sortent de ce genre de classe, tu vois. Et voilà. Et donc à mon sens, oui, là, c'est éminemment politique. Ouais. Bon, je pourrais aller encore plus dans le détail, il y a plein d'autres choses, mais j'essaie de limiter. Non, c'est le but, je pense qu'on va être amené à en parler, mais je pensais que c'était important de commencer là-dessus parce que ta position dans ton travail, et on le ressent pas mal dans ce que tu présentes, c'est que il y a des choix qui sont faits au début de pas mal de théories économiques ou de modèles économiques qui sont en place. Et que c'est des choix avant tout. Oui, exactement, exactement, oui. Ok, eh ben, je te propose qu'on rentre dans le gras tout de suite et qu'on commence par parler argent, parce que finalement, on est là pour ça un peu. Allons-y. Et de sa création, moi, le sujet de la création monétaire, c'est un sujet que j'adore. On en avait parlé un tout petit peu dans l'épisode sur le Bitcoin. Alors, je vais t'épargner de réexpliquer le gros du système pour essayer d'aller dans des choses qui m'ont un peu plus surpris dans le livre. Mmh. Et tu vas me corriger. En France, en gros, comme dans pas mal de pays, c'est les banques qui créent la monnaie pour les particuliers. Mmh. Et si j'ai bien compris, ça c'est quelque chose de nouveau pour moi, la banque centrale qui crée la monnaie pour les banques quand elles ont besoin d'un peu de liquidité. Mmh. Exactement, ouais. Et ce que ça veut dire dans le concret, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un prêt, bah, les banques inventent de l'argent de nulle part. En fait, elles créent une ligne sur leur ligne de compte. Et puis une fois qu'on a remboursé, elles détruisent cette ligne. Ni vu ni connu, quoi. Exactement, exactement, ouais. Et alors voilà, alors dans ce contexte-là, ce que je trouvais assez intéressant, c'est que tu présentes souvent dans tes schémas l'économie comme une sorte de système circulaire ou un tuyau ou une grosse boucle où tu as des revenus et les revenus des uns qui sont les dépenses des autres et inversement. Ouais. Et dans ce contexte, pourquoi on a besoin de créer de la monnaie? En fait, c'est un circuit fermé, donc on est bon. Alors, l'idée, c'est que tu vas avoir... T'imagines que les dépenses des uns sont les revenus des autres, d'accord ? Donc, c'est un circuit, effectivement, qui est fermé. Et puis, à un moment donné, dans ton circuit, quand l'argent arrive dans la case des revenus, il n'est pas obligé de devenir tout de suite une dépense. Il peut devenir de l'épargne. Donc là, c'est de l'argent qui sort de ton circuit. L'épargne, c'est la partie de l'argent qui est en suspens. Elle n'est plus dans le système. Mais donc, du coup, quand les gens épargnent, bah, tu vois, s'ils épargnent 50 et qu'ils se disent « je le réutilise que dans 10 ans », bah, il ne reste plus que 50 qui tournent dans ton système. Et puis, comme à chaque fois, il y a toujours un petit peu de monde qui épargne, bah hop, ça enlève toujours un petit peu d'argent du système. Alors évidemment, il y a aussi des gens qui récupèrent cette épargne. D'accord ? Petit à petit, il y a des gens qui disent « Ah tiens, bah, l'épargne que j'avais mis de côté il y a 10 tours, ça y est, je veux la réutiliser maintenant. » Donc, ça sort de l'épargne et puis ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Mais pour que les flux s'équilibrent, c'est pas du tout évident que la quantité d'argent qui va rentrer dans l'épargne va correspondre à la quantité d'argent qu'en sort. Et d'ailleurs, ce qu'on constate d'une manière générale, c'est que l'épargne, elle grossit en Europe. C'est une des conséquences des inégalités. C'est-à-dire, quand tu rémunères beaucoup les gens qui gagnent déjà de l'argent, que tu augmentes la rémunération des gens qui gagnent déjà bien leur vie, bah, ils ont tendance à épargner et pas à dépenser. Donc, ça fait plus d'épargne. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à financer et tu as de moins en moins de dépenses. Sauf que, comme les dépenses font les revenus et que toi, tu veux maximiser le PIB et que le PIB, c'est la somme des dépenses et la somme des revenus, eh ben, tu as un problème, quoi. Mais du coup, en fait, ce qu'on voudrait, c'est pour dans un modèle comme ça, c'est qu'on aimerait mesurer en gros ce qui est la balance un peu de ce qui est épargné par rapport à ce qui est dépensé et puis renflouer le système d'autant. Sauf que là, vu comme je viens de décrire la création monétaire, on ne dit pas aux banques, OK, cette année, en fait, il faut que vous remettiez dans le système exactement tant d'argent. Non. Ça a l'air d'être beaucoup plus lâche que ça. Oui, bien sûr, c'est complètement... Les banques choisissent à qui elles veulent prêter, combien elles veulent prêter, etc. Et évidemment, ça dépend aussi de si les gens et les entreprises ont envie de s'endetter. C'est-à-dire, on peut très bien dire aux banques, vous me créez, je ne sais pas combien de millions cette année. Si personne ne va voir les banques pour obtenir des crédits, elles ne peuvent pas créer cette monnaie. C'est tout l'idée de... Oh, j'en viens déjà. Mais c'est toute l'idée de Keynes qui arrive et qui dit, bah voilà, justement, c'est ça le problème. On a beau avoir des banques qui veulent bien créer de la monnaie, si on n'a pas les entreprises qui veulent emprunter et les ménages qui veulent emprunter, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui emprunte pour relancer les dépenses et relancer le système. Alors, ça va être le gouvernement. D'accord. Et c'est le gouvernement, en fait, qui va emprunter aux banques et c'est ce qui pourrait justifier le fait que c'est une bonne chose, en gros, de faire emprunter aux banques le gouvernement. Voilà. Alors, ce que dit déjà Keynes dans les années 30, c'est pas qu'il faut tout le temps que le gouvernement emprunte, c'est juste qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui emprunte pour augmenter les dépenses. Il faut que les dépenses augmentent tout le temps. Ces dépenses, elles peuvent venir de n'importe qui, on s'en moque quelque part. Mais si les entreprises veulent pas y aller et les ménages non plus, alors le gouvernement prend la place. Puis quand les entreprises et les ménages reviennent, alors le gouvernement lève le pied. D'accord, et c'est plus comme ça en fait qu'on arrive à avoir une sorte de contrôle. Mais sauf que j'ai jamais entendu parler de gouvernement qui était ravi de s'endetter plus. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on a oublié qu'on pouvait s'endetter, que c'était éventuellement une bonne chose, entre guillemets. Oui, bah depuis le tournant, c'est Reagan, Thatcher, fin des années 70, début des années 80. Voilà. À ce moment-là, on a une vision... Bon, alors c'est compliqué, c'est nuancé, donc je veux pas dire que c'est si simple que ça, mais ouais. Keynes a de l'influence, a toujours aujourd'hui énormément d'influence, mais il a une influence dominante sur la science économique jusqu'à la fin des années 70. À partir déjà des années 50, on commence à voir des Milton Friedman apparaître, etc., et des Hayek, et à la fin des années 70, ça y est, on a retourné la situation. Keynes n'est plus l'économiste qui a le plus d'influence, c'est plutôt des Friedman et compagnie qui disent que non, il ne faut pas emprunter, non, le gouvernement ne doit pas intervenir, c'est que la concurrence, c'est que les entreprises, c'est que le privé, etc. Et on est encore là-dedans. Ah oui, d'accord. Là, on est dans. En fait, on change un peu de domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le fait d'emprunter, c'est le fait que le public versus privé. C'est en partie ça. Alors après, les discours se mélangent un petit peu parce que tout ça est teinté de politique. Tous les discours sont. On entend des discours un peu dans tous les sens qui sont parfois teintés de politique. Ce n'est pas toujours évident de savoir si un économiste qui parle avec sa casquette de j'ai un avis politique sur la manière dont le monde devrait fonctionner, ou j'ai un avis scientifique sur ce qui est en train de se passer. C'est pas toujours facile de distinguer, mais grosso modo, oui, on est toujours dans le... Ouais. On est toujours dans l'idée que il n'y a pas d'argent magique, la création monétaire, ça n'existe pas, c'est l'épargne qui doit financer les dépenses, etc., etc. Une espèce de négation de cette histoire de planche à billets, ce qui est assez étonnant encore. Mais il y a un truc quand même que tu dis qui est assez surprenant. Tu dis que c'est à partir des années 80, donc on commence à arrêter de penser ça sur la dette. Mais quand tu regardes en fait l'histoire de la dette, en fait, c'est la fin des années 70, c'est aussi le moment où la dette est la plus basse historiquement française de toute l'histoire, en fait, en termes de pourcentage du PIB, et réaugmente énormément en fait à partir de cette période-là. Mmh, ça se peut. Alors là, je t'avoue que j'ai pas les stats. Face des yeux. En fait, je venais regarder parce que la question que je me suis posée immédiatement, je me suis dit, mais du coup, avec ce genre de truc, est-ce que c'est quelque chose qui est récent de se dire que la dette augmente et que c'est un problème, ou est-ce qu'il y a toujours eu de la. Comment la dette redescend, en fait, avec ce genre de pensée qui dit que c'est pas très grave d'avoir de la dette Alors, comment la dette redescend? Donc, il y avait deux questions. D'abord, cette histoire de. En fait, ce qu'on dit à partir des années 70, c'est que c'est pas bien d'avoir de la dette, surtout pour un État, et que l'État n'est pas supposé s'endetter pour relancer l'économie ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Tu vois, Reagan, par exemple, il augmente les dépenses de l'armement, etc., aux États-Unis, et en fait, le budget de l'État explose sous Reagan, alors que pourtant, il a le discours opposé. Donc, il faut faire la différence entre ce qui se passe et les discours aussi. Mais donc, le discours, c'est que la dette, c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que c'est pas qu'il n'y a pas plus de dette et pas plus d'endettement de la part des États. Après, comment on fait pour rembourser la dette? En fait, il faut voir la dette comme une espèce de potentiel. Enfin, où, en fait, la dette, c'est le pendant de la monnaie. S'il n'y a plus de dette, il n'y a plus de monnaie. D'accord? Puisque la planche à billets fonctionne par la dette, d'accord? Quand je m'endette, je crée de la monnaie, j'injecte de la monnaie dans le système, et quand je rembourse, je détruis la monnaie, j'enlève la monnaie dans le système. Si vous voulez avoir du sang qui coule dans le corps, il faut qu'il y ait de la dette quelque part. Si on enlève la dette, il n'y a plus de sang dans le bousin, quoi. Donc ça meurt. Donc la dette est obligatoire, elle est telle que les institutions fonctionnent, la dette est obligatoire, on ne peut pas la supprimer, notamment la dette bancaire, la dette envers les banques, c'est elle qui est créatrice de monnaie. Voilà, on ne peut pas la supprimer. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est la rouler des épaules des uns vers les épaules des autres. Donc la dette qui est supportée par l'État, on peut la rouler sur les épaules des consommateurs ou sur les épaules des entreprises. Ou inversement. Ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'une grande partie de la dette des entreprises, la crise de 2008, c'est, enfin, des entreprises et des ménages, la crise de 2008, c'est de la dette privée. Quand on dit dette privée, c'est entreprises et ménages. Et une partie de cette dette, elle a roulé sur les épaules des gouvernements. Ce qui a créé la crise de l'euro, la crise de la dette des gouvernements en 2010 en zone euro, et pas dans les autres pays, parce qu'en zone euro, on a des règles particulières. Mais donc, cette dette, on ne veut pas la rembourser. C'est pas possible. Si on la rembourse, on n'a plus de monnaie. Par contre, ce qu'on veut, c'est que cette dette soit utile. C'est-à-dire, pourquoi on rajoute du sang dans le système? C'est parce que le système est en train de grossir. D'accord? On peut penser à un enfant qui grandit, en fait. Au fur et à mesure qu'il grandit, il a besoin de plus en plus de sang dans son système. Et donc, c'est exactement ça, en fait. La dette, c'est j'injecte du sang dans le système. Sauf que si mon enfant ne grandit pas et que je continue de lui pomper du sang dans les artères, bah, je ne sais pas, il y a des cancers qui se développent ou des abcès ou des saloperies. Et ça ne va pas du tout, quoi. Donc, c'est ça le problème de la dette. On pompe toujours plus de monnaie dans le système, mais où va cette monnaie? Est-ce qu'elle sert bien à faire grandir l'économie ou est-ce qu'elle crée des abcès, des cancers, des... Voilà. C'est vraiment dégueulasse comme métaphore. C'est dégueulasse. Mais en même temps, quand tu penses à une bulle spéculative qui éclate, c'est exactement ça. T'as un abcès là, au cou là et... c'est... mais alors du coup, pardon, je suis désolé, mais t'as pas répondu à ma question. Du coup, à quel moment la dette descend? Parce que la dette descend, ça veut dire qu'on rembourse, non? Ou c'est... Alors, non. La dette, alors si tu regardes la dette de la France, tu regardes un ratio, tu regardes la dette par rapport au PIB. Donc, comme c'est un ratio, tu peux avoir ton PIB qui va augmenter plus vite que ta dette. Après, il y a aussi des histoires d'inflation là-dedans qui font que, comme dans le PIB, tu as l'inflation dedans, eh ben, il suffit que les prix grimpent, ton PIB, il augmente artificiellement, et du coup, ton ratio de dette sur PIB, il peut descendre. Mais clairement, si tu regardes la dette en nominal, de la France ou des États-Unis ou de n'importe quoi, tu la verras pas baisser. Alors, la dette globale, si tu prends les ménages, les entreprises et le gouvernement, c'est sûr que tu ne le verras pas baisser, sinon c'est la crise. Et même la dette des gouvernements, même en Allemagne, tu ne la verras pas baisser. Ah ok, peut-être pas en Allemagne parce que c'est un cas particulier l'Allemagne, mais depuis récemment, c'est un cas particulier, mais tu ne verras jamais la dette baisser en fait. D'accord. Voilà. Ok. Ce qui baisse, c'est le ratio de dette sur PIB. Alors, c'est ce qu'on disait juste avant, c'était un peu l'objet de ma question suivante, c'est que là, on a de l'argent qui tombe du ciel, enfin, qui apparaît dans un bilan comptable, et tu nous dis en plus que la dette, c'est un peu fournir, donc tu as un peu répondu en disant que créer trop d'argent, ça peut créer des bulles, etc. Mais pourquoi on ne crée pas autant d'argent qu'on en a besoin sur des choses un peu safe? On a besoin de construire un hôpital, hop, on crée de l'argent et tout le monde, pour tout le monde, et c'est réglé. On a besoin, là, pour le Covid, de soigner plus de gens ou d'acheter des respirateurs, pouf, on crée de l'argent. Pourquoi il y a une sorte de frayeur d'ouvrir les vannes un peu comme ça? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première réponse, c'est que, en gros, pour inciter les gens à créer... Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. On veut que le corps grandisse en même temps qu'on lui injecte de l'argent dans les veines, enfin, du sang dans les veines, d'accord? Mais l'injection monétaire précède toujours la croissance. Forcément, il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Une entreprise, il faut la financer avant qu'elle puisse fabriquer quoi que ce soit. D'accord ? On commence par investir et ensuite, si on a bien investi, on récolte les fruits de l'investissement. Donc, l'injection monétaire précède toujours les revenus, l'épargne, la croissance, tout ce que vous voulez. Ça démarre toujours par l'endettement, la dépense. Bon, première chose. Mais le truc, c'est comment est-ce que je suis sûr que quand j'injecte de la monnaie dans les poches de Monsieur Michu, comment je suis sûr que ce monsieur Bichu, derrière, il va se bouger les fesses pour aller fabriquer de la richesse? Eh bien, je l'oblige à rembourser. Comme ça, je suis sûr qu'il va s'activer pour aller créer de la richesse. Il va être obligé d'aller créer de la richesse, de vendre cette richesse, récolter des sous, comme ça, il va me rembourser. Donc, l'idée de remboursement de la dette, c'est l'idée de dire que, voilà, c'est pas gratuit, il faut que tu te bouges les fesses derrière pour créer de la richesse. OK ? Alors maintenant, le problème... de ce système-là, c'est que du coup, si j'injecte de l'argent dans la poche de Monsieur Michu, c'est Monsieur Michu qui doit se bouger les fesses pour aller créer de la richesse. Peu importe que, en fait, Monsieur Michu a dépensé son argent dans le magasin de Madame, je sais pas quoi, de Jacqueline, et que derrière, Jacqueline, elle a utilisé cet argent d'une manière absolument superbe et qu'elle a créé plein de richesses. D'un point de vue microéconomique, c'est-à-dire la banque, elle a prêté à Monsieur Michu, c'est lui qui doit rembourser. Et donc, c'est là tout le problème, c'est le problème des dépenses publiques, c'est-à-dire que vous prêtez à l'État, l'État construit un hôpital public, donc il ne gagne pas d'argent là-dessus. Et donc, du coup, ça provoque de la croissance économique sûrement et de la richesse sûrement parce que ça profite à tout le monde et que tout le monde peut aller faire ses petits business, etc. Et du coup, ça provoque de la croissance économique, mais ça ne retombe pas directement dans la poche de l'État. Pourtant, c'est l'État qui doit rembourser la dette. Donc, tu vois, la dépense a bien provoqué une croissance, mais l'État a du mal à récolter les fruits de cette croissance parce que ce n'est pas lui qui fabrique la richesse réellement. Étant donné que, alors on pourrait dire, bah si, un hôpital, c'est de la richesse. Oui, mais ce n'est pas de la richesse monétisée. Ce n'est pas de la richesse qui, Voilà, on ne fait pas payer les patients, c'est gratuit, tu vois. L'État, il finance, ouais. Ça, on va il être, finance de manière indirecte puisqu'il se finance sur les taxes. Alors évidemment, on va dire, bah oui, mais s'il y a de la croissance économique, l'État derrière, il va voir son budget augmenter parce que comme l'État taxe la richesse produite sur son sol, bah, il va récupérer des sous. Bah oui, mais est-ce qu'il va récupérer exactement le montant de l'hôpital ? C'est pas évident. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'évasion fiscale, des boîtes qui essayent de contourner l'impôt ? Enfin, tu vois, derrière, il y a toute une problématique parce que les revenus de l'État sont indirects par rapport à ces investissements. Mmh. Ouais. Mais quand les États, parce qu'il y a des États, il me semble, qui ont des planches à billets, littéralement, c'est-à-dire qu'en fait, là, elles créent de l'argent et en fait, elles le doivent à aucune banque ou aucune institution. Dans ce cas-là, c'est quoi le problème à juste aller créer à chaque fois qu'on en a besoin de l'argent ? Oui, alors bah, si tu regardes, c'est comme ça qu'on finance les guerres. Hein. La Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, c'est financé avec la planche à billets. C'est-à-dire l'État prend le contrôle de l'industrie, il dit tu me fais X milliers d'avions, l'entreprise dit j'ai pas du tout les moyens de te faire ça, il dit ok, t'as besoin de combien ? Tant de millions, bam, tac, les voilà. Tu les as sortis d'où ? Je les ai imprimés avec ma planche à billets. C'est pratique, ça. Donc là, on est dans une économie totalement dirigiste. On peut faire la même chose pour dire qu'on veut sauver la planète ou bien ? Ben, c'est ça, bien sûr. Tu pourrais très bien rentrer dans un système d'économie de guerre où l'État prend le contrôle et il dit, toi, maintenant, t'arrêtes de faire des téléphones, tu fais des éoliennes, c'est tout, c'est moi qui dis. Et le financement, paf, paf, c'est de la planche à billets, c'est parti. Alors après, est-ce que c'est ce qu'on souhaite ? Est-ce que les gens seraient... Voilà, c'est tout un débat. Mais oui, clairement... On a financé des trucs, des projets absolument titanesques pendant la guerre à grands coups de planche à billets. Alors, ouais, et alors je vais peut-être dire le mot que tout le monde a en tête quand on parle d'imprimer de l'argent à tire-larigot. Et en plus, tu en as un chapitre, inflation. Voilà, inflation. C'est, moi, je vais te lancer un peu là-dessus. C'est que la première chose que j'entends quand je vais parler d'imprimer ou de ne pas rembourser des dettes et tout, c'est la peur de l'inflation. Ouais, ouais. Alors, dans ton bouquin, tu débunkes ça. Ça vaut peut-être le coup d'en dire quelques mots. Ah, bah, l'inflation, c'est un grand truc. Alors, c'est l'idée selon laquelle j'ai 1 euro, une pomme. Donc, la pomme vaut 1 euro. Maintenant, d'un coup, j'ai 2 euros et une pomme. Bah, donc, la pomme vaut 2 euros. Et donc, en fait, j'ai beau rajouter de la monnaie, ça ne rajoute pas des pommes. Et donc, du coup, ça ne fait que monter le prix de la pomme. Bon, alors, cet argument-là, c'est un argument qui est quand même vraiment simpliste. Si demain, j'imprime 1 million d'euros et que je vais la mettre dans la poche de, je sais pas, n'importe qui, est-ce que pour autant, on va voir les prix de toutes les marchandises augmenter de ce pourcentage de monnaie en plus que j'ai mis dans la poche de n'importe qui. Surtout que, si je peux me permettre, tu vas me corriger encore une fois, parce que ça, je l'ai lu dans ton bouquin, mais ce qu'on appelle l'inflation, c'est sur les 50 produits les plus courants. C'est pas du tout sur le prix de l'iPhone ou le prix de telle voiture ou des choses comme ça. Alors, c'est sur un panier. En fait, donc l'inflation, il y a plusieurs façons de la calculer, mais effectivement, on fait ce qu'on appelle des indices de prix. Donc, oui, on va aller regarder des paniers de la ménagère et on va regarder comment le prix de ces objets augmente. On va essayer d'estimer comment ces objets augmentent en qualité aussi, parce que forcément d'une année sur l'autre le produit a un petit peu changé. Et si on va regarder les téléphones, hein, justement, par exemple on va regarder les téléphones, mais d'accord, quand on passe de l'iPhone 7 à enfin, donc maintenant on est rendu à, je sais pas quoi, là, l'iPhone 11, 10, je me rappelle pas. Donc quand on passe de l'iPhone 11 à 12, il y a peut-être une augmentation de prix, mais du coup, c'est l'iPhone 12, donc il est un peu plus qualitatif. Alors, il est plus qualitatif de combien de pourcents ? Et si le prix a augmenté de plus que ce pourcentage, là, c'est de l'inflation. Mais du coup, comment est-ce qu'on mesure l'augmentation qualitative de l'iPhone ? Donc, voilà, c'est compliqué. Mesurer l'augmentation des prix, c'est un truc qui est très, très compliqué. Mais d'une manière générale, l'argument de « j'injecte de l'argent dans l'économie, donc les prix augmentent » n'a absolument aucun sens et n'est absolument pas vérifié. Je veux dire, si on regarde la quantité de monnaie en circulation dans la zone euro, j'avais le schéma là encore sous les yeux il n'y a pas très longtemps, entre 1980, j'avais chopé ça, attends, hop, voilà. Entre 1980 et maintenant, en zone euro, alors c'est reconstitué, parce que je suis bien au courant que la zone euro, ça débute dans les années 2000, mais si on reconstitue la masse monétaire des différents États membres de la zone euro, qu'on convertit tout ça en euros, on avait aux alentours de 1000 milliards d'euros en 1980, et on en a aujourd'hui quelque chose comme 11 000 milliards. Donc c'est x11 en 40 ans. Bon, voilà. Et on n'a pas des prix qu'on fait x11, pas du tout. Mmh. Les prix, ils ont fait x1, quelque chose, mais ils ont même pas fait x2. Donc, voilà, on le sait, ça n'a aucun sens. De toute façon, ce n'est pas exactement ça que Milton Friedman a dit. Mais donc, l'augmentation de la masse monétaire n'implique pas l'inflation, au moins ne l'implique pas à un point. Si je mets 1 euro de, enfin, si je mets 10% de monnaie en plus, je ne vais pas avoir des prix qui vont sauter de 10%. Pas du tout. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions des autres sur l'inflation, parce que c'est quand même un truc moi que j'entends beaucoup. Moi, la question que j'aurais naïvement à poser, parce que c'est, j'ai l'impression que tout ce que tu dis depuis tout à l'heure est intéressant, mais un peu en contradiction avec ce que tu as dit au début, où tu as commencé par dire que on modélise et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, Alors, en fait, t'apportes des réponses très carrées après avoir dit que. On peut décrire certains trucs. Le problème, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on sait bien que l'inflation a un rôle avec la quantité de monnaie. C'est assez logique, en fait. Si on a plus de monnaie, on va avoir des prix qui vont potentiellement augmenter. Mais ce que je veux dire, c'est que la causalité de j'injecte de la monnaie, donc j'ai immédiatement de l'inflation et en 1 pour 1, n'a absolument aucun sens parce que historiquement, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'économie, dans aucun pays, n'importe où dans le monde. Jamais, jamais, jamais. Donc là, on est clair, on est sûr. Le modèle à la Friedman, soi-disant 1 pour 1, là, ça n'a aucun sens. On ne l'a jamais vu. Maintenant, effectivement, c'est plus compliqué. On sait bien qu'il y a de la monnaie qui est créée régulièrement par les banques. On le voit, on l'observe. On sait bien que du coup, cette nouvelle monnaie sert à financer des trucs et que ça permet la croissance économique, on le sait, on l'observe. On sait aussi que parfois l'inflation n'est pas due à la planche à billets, enfin, n'est pas due à la planche à billets, en fait c'est l'inverse, c'est l'utilisation de la planche à billets qui est due à l'inflation, c'est-à-dire on peut se retrouver dans un contexte où les prix grimpent, et parce que les prix grimpent, on est obligé d'injecter plus de monnaie dans le système. Donc il y a beaucoup de possibilités différentes qui peuvent arriver, et donc il faut faire attention et il faut contrôler, mais clairement l'idée simpliste de dire je mets de la monnaie, ça fait monter les prix immédiatement, ça c'est clair, c'est simpliste et c'est faux. Ok. Voilà, c'est plus nuancé, il faut faire gaffe, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. En gros, on n'arrive pas à avoir de certitude positive mais éventuellement négative parce qu'on a quand même du recul. Voilà, alors on a du recul, et puis c'est aussi l'idée que si tu veux, on est capable de voir que injecter de la monnaie dans l'économie, ça peut provoquer plein de trucs différents, dont un des trucs que ça peut provoquer, c'est l'inflation. Mais on ne sait pas exactement dire dans quelles conditions ça va faire 10% d'inflation, 50% de croissance en plus, 40% de hausse des prix dans l'immobilier, tant de pourcents là. Voilà, c'est un peu flou tout ça, c'est pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fera jamais 100% d'inflation. Moi, ce qui m'avait pas mal convaincu, c'est de rappeler qu'en fait, le monde, il y a pas mal d'acteurs qui sont très très différents. Donc si tu commences à donner ton million d'euros à un investisseur immobilier en lui disant « t'as le droit de le dépenser que dans de l'immobilier » ou à le donner à 1 million de personnes en disant « t'as le droit de le dépenser que dans des bars », tu te rends bien compte que l'impact n'est pas forcément le même et que tu n'as pas forcément facilité à cibler pareil d'augmenter des prix. Parce que les prix aussi, quand ils augmentent, il y a surtout si on imagine la grosse donation de monnaie qui serait publique, il faut bien que les gens sachent qu'ils peuvent augmenter les prix parce qu'en face, les gens, ils ont plus d'argent pour payer, quoi. Bien sûr. Il y a tout un truc avec l'inflation qui est aussi de voir que, enfin, quand on essaye de prendre différents exemples, par exemple au Japon, pendant toute la période de reconstruction, enfin de reconstruction, oui, de reconstruction du Japon, donc après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 90, il y a un économiste qui a bossé sur, qui s'appelle Richard Werner, qui a bossé sur ce qu'ils appelaient la window guidance de la banque centrale japonaise, qui était en gros la banque centrale. L'économie japonaise est restée planifiée et restée une économie de guerre pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, enfin jusqu'aux années 90. Et donc, on avait la banque centrale qui disait clairement aux banques, vous allez me financer, vous allez me créer X millions d'euros ce mois-ci, enfin, ou plutôt pendant les 3 mois qui vont venir, et vous allez m'en mettre X% dans l'industrie de tel truc, X% dans l'industrie de tel truc, tant de pourcents dans la consommation, tant de pourcents de machin, tant de pourcents dans l'immobilier, etc. C'était complètement guidé. Et si les banques ne faisaient pas ça, la banque centrale leur coupait les vivres en monnaie centrale qui est nécessaire pour elles pour survivre, et du coup, elles explosaient en vol. Et donc, on avait une économie qui était complètement planifiée, avec des injections monétaires qui se faisaient dans des secteurs clés que la banque, donc la banque centrale japonaise avait décidé, mais en fait la banque centrale était connectée au gouvernement, donc l'économie était planifiée. Et c'est en partie comme ça qu'on a vu d'un coup des entreprises japonaises sortir de n'importe où et faire la concurrence aux boîtes américaines, parce qu'elles avaient des financements de malades pour financer des investissements de malades. Voilà, donc c'était une économie complètement dirigée et ça a pas du tout créé de l'inflation de malade, enfin ça a pas du tout créé de l'inflation de ouf ou quoi que ce soit. Après il y a aussi d'autres choses, quand on regarde Hitler par exemple qui relance l'économie allemande dans les années 30, et ben en gros ce qu'il fait Hitler, c'est qu'il utilise sa planche à billets, il va voir les entreprises et il leur dit vous avez pas le droit de monter les prix, c'est interdit. Sinon je vous dégomme, quoi. Et après, les entreprises disent, ah bah oui, mais si vous nous interdisez de monter les prix, nous, on a les syndicats d'ouvriers qui nous font monter les salaires. Alors, on se fait squeezer nos marges. Alors, du coup, après, Hitler, il va voir les syndicats, il dit, vous avez interdiction de demander des hausses de salaire. Sinon, je vous dégomme aussi. Bon, voilà. Et là, les prix restent stables et on finance plein de trucs avec la planche à billets. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais tu vois, il y a plein de trucs possibles pour... Ouais. Qui montre que cette planche à billets n'est pas toujours inflationniste. Ouais, et bon, alors je veux pas trop parler d'actualité, mais c'est vrai que là on a une actualité qui est tellement particulière que ce serait dommage de pas l'aborder. Sur ce sujet de création monétaire inflationniste, moi, un des éléments qui m'a marqué, c'est de me dire tous les gens qui ont totalement arrêté de travailler, comme des secteurs complets, comme la restauration pendant 3 mois, tu te dis que leur donner de l'argent pour en fait annuler le fait qu'ils pouvaient pas se nourrir ou pas payer un loyer. Et en oubliant totalement cet argent, je ne voyais pas quel mal ça pouvait faire à l'économie, parce que c'était juste de leur donner un tampon pour survivre, et après on reprend la normale, on oublie en gros les 3 mois de confinement. Quoi. Mmh. Et je ne sais pas si c'est une mauvaise intuition, mais ça me paraissait vachement étonnant d'avoir peur de clairement faire ça, alors qu'on est dans un cas où, de toute façon, il ne peut pas y avoir de hausse de prix quand il n'y a pas de prix du tout, quoi. Ah oui, alors effectivement, la peur de l'inflation au moment de la création, enfin au moment du confinement, oui, c'est un truc qui a pas vraiment de sens, ça c'est clair. Après par contre, le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a un trou quelque part, c'est-à-dire l'État s'endette, donne des sous pour qu'il y ait des salaires qui soient payés, mais derrière les salaires, ils vont pas aller dans la consommation puisqu'il n'y a pas de consommation ou très peu, ouais. Donc les salaires vont se retrouver dans l'épargne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va réouvrir les portes? Est-ce que tout le monde va se ruer sur la consommation? Et du coup, les prix vont augmenter d'un coup parce qu'on ne sera pas capable de répondre à la demande? Ou est-ce que juste on va se retrouver avec plein de sous dans l'épargne et puis ça va rester là? Alors, ça risque probablement d'être le cas pour certains ménages qui sont précaires, entre guillemets, mais qui ne font pas partie des ménages les plus riches. Et pour les ménages les plus riches, c'est de l'épargne qui va aller s'investir sur les marchés financiers ou dans l'immobilier, donc qui va faire grandir les prix encore sur les marchés financiers et l'immobilier. Donc ça c'est de la bulle. Ouais. C'est de la bulle spéculative. Et après, ça pose un problème à l'État parce que l'État, lui, s'est endetté. Et donc, quelque part... Ah bah ça, on va y venir, ouais, sur l'endettement de l'État. on pose la question de comment l'État rembourse. Alors, j'ai déjà expliqué que l'État n'a pas besoin de rembourser, mais... Il n'empêche que dans ce ratio dette sur PIB, la dette a augmenté, le PIB, lui, il a même plutôt diminué cette année. Donc forcément, le ratio est moins bon. Ça a des conséquences. Avant de parler de dette, je voulais juste une dernière question que je me suis remarqué en préparant l'épisode. C'est que dans toutes ces questions d'inflation, etc., moi mon premier réflexe, en fait, quand on imagine un État qui imprimerait de la volée à tire-larigot, c'est une perte de confiance dans cette monnaie-là. Et j'ai réalisé que dans ton bouquin de mémoire, tu parles très très peu de confiance, alors que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui était à la source de la monnaie, en fait, de la notion d'avoir confiance dans cette abstraction de la valeur, quoi. Oui, alors c'est vrai. Alors pour moi, la perte de confiance dans la monnaie, c'est un truc qui arrive quand on a une économie qui est complètement au tapis. C'est-à-dire que quand tu commences à aller dans un magasin et que tu te rends compte qu'il n'y a pas assez à bouffer, ouais, là, tu as peut-être un problème que, effectivement, tu vas te taper une inflation absolument terrible. Si tu veux, les lieux où on constate qu'il y a des histoires d'hyperinflation qu'on pourrait connecter à une idée de les gens ont perdu confiance dans la monnaie, c'est les gens ont perdu confiance dans la monnaie parce qu'il y a un problème de rareté, enfin, il y a un problème de pénurie des denrées, en fait. Les gens, tu es dans des économies africaines, ou même si tu prends le cas de l'Allemagne des années 20, c'est une économie qui est complètement ravagée, où il y a du marché noir qui se développe parce que ça ne fonctionne pas bien, parce que les gens ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Parce que... Et donc, oui, effectivement, dans un contexte comme ça, tu peux en arriver à une perte de confiance. Mais du coup, la perte de confiance dans la monnaie, c'est un peu le cadet de tes soucis, quoi. Ton premier problème, c'est que tu n'arrives pas à organiser la production, c'est que tu n'arrives pas à répondre à la demande, c'est que les gens n'ont pas assez à manger, c'est que les gens ne peuvent pas se loger, c'est que... Mais en masse, quoi, en quantité vraiment importante. Et donc, c'est plus justement ces histoires d'hyperinflation que juste de l'inflation provoquée par de la création monétaire ici et là. Voilà. En fait, ton inflation, elle est la résultante d'un problème économique beaucoup plus fondamental, qui est que tu n'arrives pas à organiser la production. Et tu as un manque, tu as un vrai manque de produits concrets dans ton économie. Et donc, du coup, si tu résous ce problème de manque d'argent dans ton, enfin, de manque de biens concrets dans ton économie, il y a des chances que derrière, tu vas résoudre assez rapidement ton problème d'hyperinflation. Bon, bah, du coup, comme on ne peut pas forcément créer de l'argent autant qu'on voudrait, parce que c'est un peu compliqué de là où on la mettre, etc., on va essayer de parler un peu de diminuer nos dépenses et donc de parlons un peu de dette. Alors, tu as dit que, grosso modo, le fait de devoir rembourser ses dettes, c'était aussi pour motiver à créer de la richesse, hein, toujours dans cette logique de faire augmenter le PIB. Mais, en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est clairement devenu un peu un discours dominant en politique, permanent plutôt que dominant, de dire, voilà, il va falloir rembourser ses dettes, essayer de diminuer les dettes, et même là, avec le prêt de la Banque Centrale Européenne, donc si on le rappelle vis-à-vis de la création monétaire, on parle vraiment de création ex nihilo d'argent qui tombe du ciel, on parle quand même de rembourser ça. Donc j'entends le côté motivation qui est encore plus prégnant dans une crise comme ça où on a besoin que les gens relancent la machine, mais est-ce que c'est si important que ça en fait de rembourser ses dettes quand on est un État et puis éventuellement quand on est un particulier tout court, quoi. Alors, du coup, c'est ce que je disais, en fait, on ne demande pas ni à un État, ni à une... En fait, il faut faire la différence entre rembourser ses dettes et se désendetter. Voilà. Donc, rembourser sa dette, c'est on me prête 100 euros et à la fin de l'année, quand je dois rembourser, j'emprunte 100 euros à Jean-Michel et je rends les 100 euros à Jacques qui me les avait prêtés initialement. Donc, j'emprunte à l'un pour rembourser l'autre. Et donc, je suis toujours endetté à hauteur de 100 euros. Et du coup, à la fin de l'année, quand il faudra que je rembourse Jean-Michel, eh ben, je m'endetterai à hauteur de 100 euros auprès de quelqu'un d'autre, et puis je rembourserai Jean-Michel, etc., etc. Donc, ma dette ne diminue jamais, donc je ne me désendette pas, et pourtant, tous les ans, je rembourse. D'accord ? Donc, cette logique-là, c'est la logique qui est employée par les États depuis, tout le temps, depuis qu'on a des stats, et aussi employée par certaines entreprises. Hein. On a certaines boîtes qui remboursent jamais, hein, qui remboursent toujours, mais qui se désendettent jamais, qui ne font que, on appelle ça, rouler sa dette d'une année sur l'autre. Alors, un particulier ne peut pas faire ça parce qu'un particulier, au bout d'un moment, il est mort. Et donc, du coup, il ne peut plus rouler sa dette. Non, mais sans déconner, c'est le vrai truc. Hein. La banque fait toujours un pari, quand elle te prête, elle fait un pari sur la quantité de richesse que tu vas être capable de créer. Donc, quand tu es un particulier qui s'endette quand il a 30 ans, sur 35 ans, bon, bah, pas de problème. Mais quand tu arrives à 65 ans et que tu demandes un crédit sur 30 ans, la banque, pour rembourser ton crédit d'avant, eh ben, la banque va te dire non. Ben non, parce que c'est bientôt la fin, là. D'accord ? T'es 30 ans de plus, je ne sais pas si tu vas y arriver, donc non. Donc, effectivement, les particuliers, eux, ils sont obligés de rembourser parce qu'ils ne vivent pas éternellement. Mais un État, lui, ça vit éternellement. Enfin, ils sont obligés de se désendetter parce qu'ils ne vivent pas éternellement. Mais un État, ça vit éternellement, donc ce n'est pas obligé de se désendetter. Et une entreprise non plus, d'ailleurs. Ce n'est pas obligé de se désendetter. Voilà. Donc, ensuite, pour ce qui est du remboursement, est-ce qu'il faut toujours rembourser ? Oui et non. Donc, si on ne rembourse pas, par exemple, il faut aussi voir qu'il y a deux types de dettes. Il y a la dette bancaire, qui est la dette créatrice de monnaie, et il y a la dette entre nous. Donc, tu me prêtes 100 euros, si je ne te rembourse pas, bah, tu as perdu 100 euros. D'accord ? Donc, effectivement, là, cette dette-là, elle est importante à rembourser dans le sens où bah, je te dois quelque chose à toi. Et toi, tu n'as pas du tout créé la monnaie, tu ne l'as pas inventée, cette monnaie. Elle était bien à toi quand tu me l'as prêtée. Donc, il faut faire la différence entre la dette qui est la dette possédée par les banques et la dette qui est possédée par des fonds d'investissement, c'est-à-dire derrière ces fonds d'investissement, il y a des épargnants, donc des gens qui ont mis des sous de côté. Donc effectivement, quand on dit que si on dit que l'État ou n'importe qui d'autre ne rembourse pas la dette des fonds d'investissement, alors dans ce cas, c'est des épargnants qu'on ne rembourse pas. Et là, ça peut poser un problème. Qui sont ces épargnants? Est-ce que c'est des classes moyennes? Est-ce que c'est des milliardaires? Est-ce que c'est qui c'est qu'on ne rembourse pas? Et donc là, il y a une question politique. D'accord? Est-ce qu'effectivement, il se passe quelque chose si on ne les rembourse pas, ces gens-là? Bon, ensuite, s'il s'agit des banques, les banques normales, les banques commerciales, dirons-nous, ou les banques privées, les BNP Paribas, Société Générale et compagnie, elles, quand on ne les rembourse pas, c'est une histoire de création monétaire. Donc, ce n'est pas si grave de ne pas les rembourser, mais par contre, financièrement, enfin comptablement, dans leur bilan comptable, on les rapproche de la faillite quand on ne les rembourse pas. Alors après, on peut toujours transformer les lois en disant « Ah bah oui, bah la faillite, finalement, ça ne s'applique pas aux banques, etc. » Et puis comme ça, ça ne fait rien quand on ne les rembourse pas. Mais en l'état actuel des choses, quand on ne les rembourse pas, on les rapproche de la faillite. Et une banque qui fait faillite, c'est tout ton système de paiement qui s'écroule. C'est compliqué, on n'aime pas ça, surtout que les banques sont géantes. Mais quand tu dis on les rapproche de la faillite, c'est purement comptable. En fait, dans la banque, elle n'est pas plus en mauvais état parce que tu n'as pas remboursé. Si. Elle est... Mais encore une fois, le problème, c'est que... Alors si, elle est en plus mauvais état parce qu'elle n'a pas remboursé, mais c'est juste une faillite comptable. C'est-à-dire que dans la banque, elle a dans ses tiroirs caisses des contrats qui ont une certaine valeur. D'accord ? Et d'un coup, tu dis que ces contrats-là, ils n'ont plus aucune valeur parce que tu ne rembourses pas. Jusque-là, ces contrats, ils avaient de la valeur parce qu'on disait bah, « c'est bon, il va rembourser ». Donc, ça va, c'est un contrat qui va ramener des sous d'ici quelques années. Et là, d'un coup, on dit « non, il ne va pas rembourser, donc ce contrat ne vaut rien ». Et là, il y a toute une partie de ce que possède la banque qui n'a plus de valeur. Et comme on met toujours en rapport ce que possède une entreprise avec le montant de ses dettes, de ce qu'elle doit, eh ben, on peut se retrouver dans une situation où les possessions de l'entreprise sont inférieures à ce qu'elle doit, à ses dettes. Et là, du coup, c'est la faillite. Mmh. Oui, tu donnes un exemple très parlant dans ton bouquin de ça, où quelqu'un emprunte une voiture. Donc, il a payé sa bagnole, il a fait un emprunt de 20 000 balles et il gagne un salaire, je ne sais pas, de 2 000 balles par mois, où il a largement de quoi rembourser ses 500 euros du prêt. Et du jour au lendemain, sa voiture, parce qu'il y a le nouveau modèle qui est sorti, elle perd 10 fois sa valeur. Donc, au lieu de 20 000 balles, elle vaut 2 000 balles. Et lui, ça veut dire que si, en fait, la faillite comptable, du coup, c'est que s'il possède plus que 2000 euros et il est endetté de 20 000 euros, donc il est en faillite comptable. De voiture, ouais. Alors qu'en fait, il peut tout à fait rembourser tous les mois, il y a zéro problème, voilà. À part s'il veut vraiment revendre sa voiture, quoi. Voilà, et parce qu'en fait, ça dépend de ce qui a de la valeur. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, on dit qu'en fait, dans les banques, il y a un système de paiement, il y a que les banques sont la colonne vertébrale de l'économie parce que tout le monde a un compte dans une banque et que si la banque disparaît, eh bien, elle se retrouve, l'économie ne peut plus fonctionner et tout, ben on peut très bien inventer de toute pièce un actif comptable, on va dire. Chaque banque de dépôt, est la structure même d'une économie, donc ça vaut 10 milliards, par exemple. Et d'un coup, on intègre ça dans le bilan comptable des banques. Et là, du coup, on peut annuler pour 10 milliards de dettes sans que la banque fasse défaut. Donc tout ça, c'est une histoire d'écriture comptable, de manière de compter, en fait. Mais cette manière de compter, elle est... Mais d'ailleurs, ça c'est un truc hyper important. C'est vrai que dans ton bouquin, tu t'es presque à t'excuser de parler de comptabilité. Moi, un truc qui m'avait étonné sur la comptabilité des entreprises, c'est aussi que la manière dont tu fais même tes comptes est un peu soumise à l'interprétation. Un exemple type, c'est que tu achètes un ordinateur, tu choisis sur combien d'années il va être amorti. Ouais. Qui, en fait, est une manière un peu arbitraire de choisir comment il va te coûter chaque année. Oui, c'est ça, oui. Et tu peux, en fonction de comment tu présentes les choses, présenter du coup un équilibre qui est plus ou moins bon, quoi. Exactement. Bon, y a plein de petites manips qui sont possibles. Et d'ailleurs, pour en revenir à cette histoire d'annulation de la dette, donc d'après les règles telles qu'elles sont à l'heure actuelle, effectivement, si on ne rembourse pas une banque privée, on la rapproche de la faillite. En revanche, il y a une banque qui ne peut pas faire faillite, qui s'appelle la Banque Centrale, et donc il y a des idées en ce moment qui sont balancées de dire, bah, finalement, si on fait rouler la dette, si on fait rouler la dette qui est due par le gouvernement, par exemple, sur les épaules de la Banque Centrale, donc on va décharger, je ne sais pas moi, les fonds d'investissement, par exemple, ou les banques privées, qui possède la banque de l'État français, ou l'État allemand, ou l'État, peu importe, en zone euro, quoi. On va décharger cette dette et on va la transférer sur les épaules de la banque centrale, alors moyennant finance, évidemment, hein, parce que cette dette, elle a une valeur. Donc, si moi, j'ai l'État français qui doit me rembourser de 1 000 euros dans 5 ans, par exemple, eh bien, la Banque centrale européenne va me dire, voilà, je te donne 1 000 euros et en échange, tu me donnes le morceau de papier qui donne le droit au remboursement de l'État français. Donc, maintenant, l'État français doit rembourser la Banque centrale européenne et plus moi. Voilà. Et quand on en est rendu dans cette situation-là, eh ben, hop, on annule la dette. Et là, l'État français a besoin de rembourser, a pas besoin de rembourser la Banque centrale. Alors là, il y a cette histoire toujours, la banque centrale perd un actif dans son bilan comptable, machin truc, mais il se trouve que la banque centrale, elle, ça pose pas de problème d'avoir plus de dettes que d'actifs, elle peut toujours continuer de fonctionner, pour des raisons un peu techniques, je rentre pas dans le détail, mais c'est connu et tout à fait, voilà, on le sait, ça marche, et donc ça, c'est une solution pour annuler la dette, par exemple, pour ne pas la rembourser sans que ça ait absolument aucun impact. C'est ces histoires de dette perpétuelle là, dont on a entendu parler ou c'est encore autre chose ça ? Alors c'est encore autre chose parce que l'idée de la dette perpétuelle, c'est l'idée de dire tu devais me rembourser en 2022, en fait tu dois me rembourser en l'an de grâce 100 425, tu vois. Et donc là évidemment j'ai jamais besoin de rembourser parce qu'en plus il faut comprendre que sur les marchés financiers, la dette se rembourse à l'échéance. C'est-à-dire, on ne rembourse pas tous les mois un petit peu. On rembourse tout en une fois au moment de l'échéance. Donc effectivement, si la date de remboursement, c'est dans 100 000 ans, on va dire que c'est perpétuel, quoi. Voilà. On a le temps de voir, quoi. ok, très très bien, très clair. Bon, comme l'heure avance, on va peut-être en finir pour parler un peu de PIB, peut-être faire un peu aussi le point sur pourquoi il y a tant de choses qui ont l'air d'être mal foutues dans l'économie, à en discuter un peu. Bon, pour parler très rapidement du PIB, je vais te permettre de boire un coup en faisant un résumé de ce que j'ai compris, je te laisserai me corriger. Donc le PIB qu'on a tous déjà entendu, c'est le produit intérieur brut, et ça mesure la richesse d'un pays, c'est-à-dire qu'il mesure les échanges économiques. Et ce que tu rappelles dans ton livre, c'est que c'est assez bancal. Il y a deux exemples. Il y a un exemple que toi tu donnes qui est que s'il y a deux voisins qui, pour une histoire de bon voisinage, se donnent 100 euros chacun tous les mois, donc vraiment, il y en a un qui donne 100 euros à l'autre et l'autre lui donne 100 euros, et bien en fait, d'un point de vue PIB, alors pour peu qu'il le déclare, etc., ça crée 2400 euros de richesse, 200 euros fois 12 mois. Donc ça crée de la richesse pour le PIB, alors que c'est une opération qui est totalement nulle. Et l'autre exemple qui va nous toucher un peu plus, c'est Podcast Science. Quand Podcast Science, surtout à ses débuts, produit un épisode d'un podcast de 3 heures, avec du matériel perso qu'il avait déjà, et sans vendre quoi que ce soit, sans recevoir de dons, le PIB bouge pas. Ce qui pose une question de tout ce qui en fait est créé par des gens hors du système monétaire. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et là où ça va rejoindre un peu pas mal de choses dont tu parles, c'est qu'on voit beaucoup de problèmes du PIB, et comment on peut encore aujourd'hui utiliser une métrique qui est aussi mauvaise, entre guillemets. Est-ce qu'elle était pertinente à un moment ? Enfin, pourquoi on continue à utiliser ça si on sait pertinemment qu'elle a énormément de problèmes ? Alors, c'est une question difficile. En fait, on n'a pas besoin du PIB pour faire tourner une économie. Le PIB, c'est un truc qui a été inventé dans les années pendant la guerre, quoi. Je n'aurais pu dire exactement, peut-être un peu avant, mais qui a été utilisé surtout pendant la guerre. Le but, c'était d'essayer de compter combien il y avait de chars d'assaut, d'avions, de flingues qui sortaient des usines américaines. Et donc, on avait des économies qui tournaient avant sans PIB. Voilà, on avait d'autres métriques pour essayer de mesurer les choses. Maintenant, le PIB, c'est, quand on regarde ce que c'est la somme de tout ce qui a été vendu dans le pays, alors en consommation finale, c'est-à-dire que j'ai vendu le poisson à une entreprise qui l'a revendu à une autre entreprise qui l'a revendu encore à une autre entreprise. Bon, on va pas compter 5 fois la vente. On la compte que à la fin, à la toute fin. Quand la dernière entreprise a vendu la dernière fois le poisson, ça y est, c'est le consommateur final qui mange le poisson. Quand on fait la somme de toutes ces ventes-là, ces ventes de consommation finale, on tombe sur le PIB et ça permet aussi de tomber sur la somme des rémunérations. Donc la somme des salaires, plus des dividendes, plus des intérêts versés, plus des loyers versés. Et donc forcément, on se dit que si on maximise le PIB, ou qu'on fait plus de PIB, on augmente les revenus, on augmente le revenu national, on augmente les revenus. Alors après, ça se pose, on pose la question, on augmente les revenus de qui? Si ça se trouve, c'est les revenus d'une seule personne qui ont grimpé et puis tous les autres sont restés au même niveau, voire ont baissé. Mais l'idée du PIB, c'est que les revenus grimpent. Alors, si on n'est pas dans un PIB en croissance, ça veut dire qu'il faut poser, même si on part du principe d'un PIB stable, par exemple, mettons que le PIB est toujours au même niveau, on ne s'occupe plus trop du PIB, on se dit bon, c'est très bien s'il reste au même niveau. Ça veut dire qu'on pose le problème de la redistribution différente des richesses. C'est-à-dire que là, les politiques arrivent, vous avez certains qui vous disent « mais moi, j'ai pas assez de sous », d'autres qui vous disent « moi non plus, j'ai pas assez de sous », d'autres qui vous disent « machin ». Si votre PIB augmente pas, comment vous arrivez à promettre à ces gens-là que vous allez leur donner plus de revenus? Et ben, le seul moyen de le faire, c'est de prendre aux autres, en fait. Quand la taille du gâteau devient fixe. Si vous voulez en donner plus à certains, il faut en donner moins aux autres. Donc ça pose la question de la redistribution, de se sortir de cette histoire de PIB. Donc en fait, c'est hyper pratique d'avoir un PIB qui grimpe. Ça permet de promettre un peu tout à tout le monde. Sachant aussi que il y a des pays où c'est évident qu'ils ont besoin d'avoir plus de PIB. Parce qu'ils ont besoin de s'équiper, ils ont besoin de construire des infrastructures, ils ont besoin de s'industrialiser, ils en ont besoin. Quoi. Ils ont un vrai besoin matériel, la population a un vrai besoin matériel pour vivre de manière décente, etc. Donc eux, ils ont clairement besoin d'avoir un PIB qui grimpe. Mais quelque part, le PIB, c'est une question d'équipement de la population. Ça peut se voir comme une question d'équipement de la population. Et à ce compte-là, pourquoi on n'y compte pas toute la création de richesses non monétaires, en fait? Parce que ça permettrait de le faire encore plus gros. Bah oui, mais la question, c'est pour qu'il y ait un PIB, il faut qu'il y ait un prix. Donc ça veut dire qu'il faut donner un prix à tout ce qui potentiellement n'en a pas. Enfin, tu vois, si tu dis alors, et quelque part, ça rentre dans la statistique comme ça. C'est-à-dire que tu vas à l'hôpital, alors je sais pas trop comment ça marche, tu vas à l'hôpital, tu payes maintenant, tu payes pas, je sais pas trop. Je crois que tu payes si tu vas aux urgences et que t'as rien en fait. Ah non, ça c'est à partir de l'an prochain. Bon alors, admettons, tu vas à l'hôpital, tu payes pas, d'accord? Quel est le prix, si je veux valoriser ce service de l'hôpital public, alors que personne ne paie quand il va à l'hôpital, comment je fais? Bah ça en l'occurrence c'est facile parce que s'il y a des coûts qui sont derrière en fait. Ok, mais alors dans ce cas, tu vas faire correspondre le prix au coût. Ouais. Mais c'est pas ça que fait une entreprise. Une entreprise, elle fait du profit. D'accord? Une entreprise, elle te fait 10%, 20% de marge. Donc, est-ce que finalement, la vraie valeur de ton hôpital, elle n'est pas 10 ou 20% supérieure à ses coûts? Parce qu'en fait, il faut compter les profits, il faut compter, tu vois? Donc déjà, quand t'es dans le domaine privé, t'as déjà un problème, c'est que souvent, tu veux que ton État fasse et un budget qui soit à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire que la valeur de ton hôpital est égale à ses coûts. Alors que dans une entreprise, la valeur d'une entreprise, elle n'est pas égale à ses coûts, elle est supérieure, parce que forcément, il y a le profit qui se rajoute dessus. Donc, ce n'est pas facile. Donc, ce que va faire un État, c'est que bah, du coup, il va lever des taxes d'un côté, et en fait, c'est le montant des taxes levées qui permet de définir la valeur de l'hôpital, enfin, qui permet de définir le coût de l'hôpital. Okay. Donc, si vous voulez plus d'hôpital, plus d'équipement, plus de machin, bah, il faut plus de taxes pour que le budget soit à l'équilibre. Ou alors, j'admets que mon déficit est constitué par la création monétaire, et dans ce cas, par l'endettement de l'État. Mais alors, dans ce cas, j'admets que l'État doit s'endetter un peu plus chaque année et que le déficit public augmente. Et après, pour ce qui est de tas de choses, comme par exemple, je sais pas moi, les parents qui élèvent leurs enfants, tu peux te dire, bah ça, c'est une véritable richesse, finalement. Les parents qui engagent une nounou, ils la paient, donc du coup, c'est dans le PIB. Mais les parents qui n'engagent pas de nounou, du coup, c'est eux qui élèvent leurs enfants, c'est exactement le même service rendu. Et pourtant, là, ce n'est pas dans le PIB parce qu'il n'y a pas de transaction monétaire. Mais du coup, comment tu l'intègres dans le PIB, ce truc-là? Ben, c'est très difficile à dire, parce que ça augmente les revenus de personne. Et en fait, si tu as une approche non comptable, enfin, si tu as une approche peut-être plus terre-à-terre, ça pose la question de comment tu permets à cette personne qui crée de la richesse non monétaire bah de vivre, c'est-à-dire d'avoir entre guillemets une rémunération qui lui permet de justement... Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu vas prendre ton exemple de la nounou, une nounou, et que du coup tu vas bosser plutôt que toi arrêter de bosser et faire... C'est qu'en général, tu vas pas avoir suffisamment de revenus pour en vivre, d'élever ton enfant en fait. Ou même, il y a plein d'exemples comme ça où en fait, comme c'est pas monétaire, bah, tu n'as pas de revenu qui vient de cette opération. Ouais. Et donc, du coup, le revenu doit bien venir de quelque part. Si tu veux valoriser ce truc-là, il faut que le revenu vienne de quelque part. Et comme les dépenses des uns sont les revenus des autres, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dépense pour générer ces revenus-là. En fait, le truc qui est intéressant, je n'avais pas prévu qu'on parte dans ce biais-là, mais tu peux baser ta création monétaire sur donner de l'argent à des gens qui créent de la richesse non monétaire, justement. Ça pourrait être une manière de... Oui, c'est l'idée de la monnaie hélicoptère. C'est l'idée de la monnaie hélicoptère qui est de, au lieu que la création monétaire soit associée à une forme de dépense ou à un financement d'une dépense, je vais avoir une création monétaire qui va directement aller s'intégrer au niveau des revenus. Et donc là, je suis la Banque Centrale Européenne, je crée de la monnaie et je le donne à des entreprises, à des ménages, à des États, ça dépend. Et voilà, je le donne. Donc, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien à rembourser, c'est un don. Alors ça c'est une façon d'intégrer, parce que encore une fois, on a toujours ce besoin de création monétaire, d'accord ? On est toujours dans cette idée qu'il y a toujours besoin de plus de sang qui circule dans l'économie. Si on est toujours dans cette vision de croissance de l'économie, ou alors si on arrête d'envisager cette idée de croissance de l'économie et qu'on raisonne à PIB fixe ou à croissance économique, enfin ouais, à production fixe. Alors dans ce cas, on peut éventuellement se passer de la création monétaire, mais tant qu'il y a des inégalités, tant qu'il y a des gens qui épargnent plus que de gens qui te dépensent, bah, tu as toujours cette épargne qui va te grossir d'année après année. Donc du coup, tu auras moins de sang qui circule dans ton économie. Donc là, tu as quand même besoin d'injecter de la monnaie dans le système. Et un moyen d'injecter de la monnaie dans le système, c'est de passer par les revenus au lieu de passer par les dépenses. Et donc là, c'est plus de la dette, c'est du don. Mais alors là, ça, c'est un truc qui est très difficile parce qu'avec la dette, on a la carotte et le bâton. C'est-à-dire que, OK, je te donne des sous, va t'acheter ta voiture, mais tu es obligé de rembourser, donc j'arrive avec le bâton pour te faire peur. Pour machin. Alors que là, quand on donne des revenus, on dit, OK, vas-y, tu sais quoi, c'est que de la carotte, il n'y a pas de bâton. Oui, t'es un parent, bah voilà, je te donne des sous. Et je viens pas vérifier que t'es un bon parent, pas un bon parent, dès que t'as... Enfin, tu vois. Donc, c'est différent. C'est vraiment différent. Ok. En fait, je posais aussi ces questions-là parce qu'on peut en parler là un tout petit peu avant de conclure. Moi, c'est un truc qui m'a pas mal marqué sur tes vidéos et en partie aussi sur ton bouquin. Et d'ailleurs, on en a parlé un peu avec Johan pendant l'épisode. C'est que on a un peu là. Moi, honnêtement, en voyant certaines de tes vidéos et en lisant ton livre, j'ai parfois lu des formulations ou des manières de faire qui ressemblent beaucoup à ce qu'on entend sur des contenus pseudo-scientifiques ou autres, principalement pour ce côté où tu dis des choses où on a l'impression, par exemple, sur le PIB, je pense que le PIB est un excellent exemple, où tous les spécialistes des banques centrales, etc., utilisent un outil qui a l'air, sur le papier, d'être assez débile, en fait. Donc là, c'est intéressant parce que ce que tu nous dis ici est vachement plus mesuré dans le sens où, en fait, ça reste un problème humain où, en fait, pour changer le système, aussi imparfait qu'il soit, il y a du taf, quoi. Et que finalement, on se rapproche un peu de la logique que c'est peut-être le plus... Comment c'était quoi la formule ? Je crois que je l'avais noté à la fin, mais que c'était le moins pire des systèmes qui fonctionnent, quoi. Et je ne sais pas si tu as une remarque à faire autour de ça, qu'on a un peu l'impression que tu décris beaucoup de choses qui sont bien, parce que tu nous écris comment ça fonctionne, mais qu'en fait, ça ne fonctionne pas très bien. C'est un peu le bordel. Et on se dit, mais pourquoi, du coup, ces gens qui sont sans doute très talentueux à la tête de pas mal d'institutions ne changent pas ces trucs-là en sachant sans doute pertinemment ce que tu pointes ? Alors, pour la question du PIB, par exemple, je ne pense pas qu'il s'agit de ne plus calculer le PIB ou de ne plus mesurer le PIB. Mais par contre, de mettre comme objectif de société un autre indicateur que le PIB. Mais évidemment, en prenant acte de tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire notamment que si on ne veut plus de croissance du PIB ou si on ne s'occupe plus de la croissance du PIB, comment on va résoudre par exemple le problème du chômage ? Parce que évidemment, si on a des chômeurs, enfin imaginons qu'on ait 10 chômeurs une année et que l'année d'après on n'en a plus que 5, ça veut dire qu'il y en a 5 qui ont des revenus supplémentaires qu'ils n'avaient pas l'année d'avant. Donc, on a 5 personnes qui gagnent plus. Mais si 5 personnes gagnent plus et qu'on n'a pas augmenté le PIB, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui gagne moins en face. D'accord ? Donc, si tu résous le problème du chômage sans t'attaquer au PIB ou en disant que tu ne t'occupes pas du PIB, ça veut dire que tu poses la question de la redistribution des richesses, donc des inégalités, etc. Ça, ça me semble être simplement un problème politique que les politiques ne veulent pas aborder parce qu'il y a une base électorale, parce que les gens qui votent, c'est peut-être un peu les classes moyennes qui ne veulent surtout pas voir leurs revenus diminuer, j'en sais rien. Là, je pense qu'il y a toute une dimension peut-être sociologique que je ne maîtrise pas, mais à mon avis, il y a de ça. C'est-à-dire qu'on est bloqué dans ce système parce qu'il va falloir apprendre à partager. Ça fait des années qu'on dit non, non, c'est un peu vas-y, bosse pour ton pain et tu pourras avoir plus, et toi aussi tu pourras avoir plus et tout le monde pourra avoir plus. Non, maintenant on en arrive à dire non, non, le PIB maintenant il est au max, on ne le fait plus grimper. Donc maintenant, quand il y a des gens qui ne sont pas contents et qu'on constate effectivement ils n'ont pas assez, eh ben, on prend à ceux qui ont trop pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Et ça, c'est une question qui politiquement, à mon avis, ne passe pas. Donc pour le PIB, c'est en partie ça. Après, il y a aussi des histoires d'inertie. L'économie, c'est une immense machine interconnectée mondialement, avec maintenant des États qui votent des lois alors que les entreprises sont transnationales. Enfin, donc c'est à gérer, c'est un truc, la complexité est énorme. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à comprendre, c'est que, à mon sens, il y a une histoire de... Il ne faut pas attendre d'avoir un modèle économique parfait qui nous dit exactement que si on fait A, il va se passer B, C, D exactement et qu'on a bien accepté que c'est ça qui allait se passer, etc. Je pense qu'il faut aussi raisonner en économie en se disant qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Voilà. Et simplement de dire, bah, tu sais quoi, ça, c'est pas juste et donc du coup, on le change. Et ça, c'est politique. C'est un levier politique, on change les lois, on change les trucs. Et quelle va être la conséquence économique ? Bah, on verra bien et puis on va un peu s'adapter. C'est-à-dire qu'au moment où ça nous arrivera dessus, on va constater, bah, on aura toujours des leviers d'action un peu partout. On pourra changer telle loi, changer tel truc, changer tel machin. Il y a une espèce de... Moi-même, pendant longtemps, j'étais en mode, mais attention, qu'est-ce que ça va provoquer ? Et en fait, même les meilleurs modèles économiques ne savent pas le dire. Donc, à un moment donné, il faut accepter que c'est super complexe. Tu vois, genre, je pense pas que quand on a dit OK, on arrête l'esclavage, on avait un modèle précis qui nous disait exactement ah oui, mais alors attention, les revenus des uns, les dépenses des autres, etc. Non, on a juste dit bon, voilà, l'esclavage ça va pas, on arrête. Et là, c'est un peu pareil en économie. Parfois, il faut savoir faire le saut et dire bon, bah voilà, ça me semble pas juste, alors on y va, on arrête ça. C'est hyper intéressant comme réflexion parce que c'est marrant, moi c'est pas l'esclavage que ça m'a fait penser au travail des femmes où mine de rien, c'est vrai qu'on s'est pas posé de question de mettre deux fois plus de personnes au travail, ce que ça pouvait avoir comme conséquence économique, on s'est juste dit que c'était ce qu'il fallait faire d'un point de vue sociétal quoi. Ouais, à supposer que les femmes ne travaillaient déjà pas, c'était juste un travail qui était pas valorisé, tu vois, mais... Ouais, je voulais dire travail comme avant sur du travail monétaire, mais c'est une vraie question ça aussi. Mais d'ailleurs, enfin ouais, hyper intéressant. Ok, les autres, vous avez des questions ou je passe à la dernière partie où on peut partir un peu plus en live, on va pas durer trop longtemps, mais... peut-être une question qui ferait une bonne transition, je pense. Il y a quelqu'un qui demande dans la chatroom, c'est Niv, est-il viable de penser décroissance économique ? Alors, la question de la décroissance, oui, c'est viable. Je vois pas pourquoi ce serait pas viable. Simplement, ça suppose, encore une fois, donc déjà, on faisait un raisonnement à PIB constant, donc il faut voir. Hein. Décroissance, ça veut dire on produit moins. C'est ça que ça veut dire décroissance. Alors, on produit moins, ou en tout cas, on produit moins de ce qui est valorisé dans le PIB. Donc, voilà, ça veut pas forcément dire qu'on produit moins, parce qu'il y a des tas de richesses qui sont pas valorisées par le PIB, mais au moins... on produit moins de ce qui est valorisé par le PIB et donc on produit moins de revenus. D'accord ? Il y a moins de sous à la fin du mois. Donc ça pose le problème, encore une fois, toujours le même, qui est un problème de redistribution des richesses. C'est-à-dire que, OK, on produit moins, mais comment on fait en sorte que tout le monde ait toujours à manger, un toit au-dessus de sa tête, etc. Qu'on produit moins, mais en réduisant les inégalités. Voilà, ça pose ces questions-là de fond, mais fondamentalement, la décroissance, oui, pourquoi pas ? Parce que qu'est-ce que c'est que la croissance économique ? C'est produire toujours plus année après année. Alors, dans cette production supplémentaire qui arrive année après année, il y en a une partie qui est essentielle. Par exemple, la bouffe, il faut la produire tous les ans. Il n'est pas question de dire « Ah ben, ça y est, on a assez de bouffe, on peut survivre 10 000 ans ». Non. Donc, il y a toute une partie de l'activité économique qu'on ne peut pas restreindre. Alors peut-être la nourriture, on peut dire finalement on a un surplus, on peut produire un peu moins. Voilà, ok. Après, on a toute une partie de la production qui est de la réparation des routes, la réparation des ponts, la réparation des voitures, la réparation de tout ce qu'on a déjà fabriqué avant. Donc ça, c'est pareil, on ne peut pas l'enlever. D'ailleurs, même si on envisage la décroissance de des nouvelles voitures, des nouveaux téléphones, bah, il va falloir prévoir sûrement une croissance de cette partie-là du PIB qui correspond à « je répare » ou « je maintiens, j'entretiens ce qui est l'existant ». Et puis après, il y a toute une partie où on dit, bon, bah ça par contre, on n'en a pas besoin. Et donc, ok, ici, là, on coupe et on fait moins. Et on s'assure que chaque année, on fait toujours un peu moins, toujours un peu moins. Mais tout en gardant à l'esprit que tout ce qui est essentiel doit être réparti correctement au sein de la population pour que tout le monde y ait quand même accès. Tout en disant pas non plus que, enfin probablement pas, que c'est le même revenu pour tout le monde et que tout le monde est au même niveau, parce que là, on vire dans l'idée de communisme, etc. Et je ne suis pas certain que ce soit... Donc, il faut garder à l'histoire de... Il y en a qui sont un petit peu au-dessus et d'autres qui sont un petit peu en dessous. Mais donc, du coup, ça pose des questions politiques qui sont énormes. Parce que ça, c'est des questions qui sont résolues par le marché actuellement. Il y a un prix, voilà, le salaire, c'est toi qui négocies ton salaire, etc. Là, il y a un côté... Il ne va pas falloir faire confiance au marché. Il va falloir que la politique mette son nez là-dedans et dise « Ok, toi, tu as le droit à tant, toi, tu as le droit à tant. » Il va falloir que ce soit décidé collectivement, etc. Donc, ça pose d'énormes questions d'organisation de la société qui, jusqu'alors, sont gérées, jusque-là, étaient gérées par le marché. En fait, quand tu dis le marché, ils sont gérés par l'offre et la demande, en fait. Voilà, l'idée de l'offre et la demande, oui. Mais ça veut dire que, potentiellement, à un moment donné, il va falloir être capable de dire... je sais pas, les traders par exemple, l'offre et la demande, ok, mais il y a un plafond, les gars. Voilà. Donc vous n'avez pas le droit à plus de 100 000 balles par an. Démerdez-vous avec ça, ça peut être moins si vous voulez, je laisse le marché jouer, mais il y a un plafond. D'accord ? Et ça c'est une intervention qui est très forte. Jusque-là, il n'y a pas de plafond, chacun fait, voilà, dans chaque secteur, on gère un peu comme on veut. Et d'ailleurs, pour donner un peu l'exemple historique, c'est un truc qui a été fait aux États-Unis par Roosevelt, où à un moment donné, pour les salaires supérieurs à, je crois que c'était 10 000 dollars par an, mais bon, à l'époque, 10 000 dollars par an, c'était énorme, il avait proposé, Roosevelt, une taxe à 100%. C'est-à-dire que chaque dollar au-dessus de 10 000 euros allait au fisc américain. Et en fait, ce n'était pas passé et ils ont mis une taxe à un truc comme 94%. Donc, c'était quasiment le fait de taxer à presque 100% les revenus supérieurs à 10 000 dollars. Je crois que c'est 10 000 dollars. C'était clairement une idée de « on va fixer un salaire maximum voilà, pour que le marché s'exprime, mais entre des bornes. » On a un salaire minimum, on pourrait très bien avoir un salaire maximum et ça pourrait être une idée quoi. C'est d'ailleurs, il y a une anecdote, ok, je raconte vite fait une anecdote parce que je trouve ça assez sympa. C'est le forum de Davos où il y a Michael Dell qui dit qu'il faut absolument, qui est un milliardaire, hein, c'est le propriétaire de Dell, l'entreprise qui fait les ordinateurs, et qui dit un truc du genre, augmenter les taxes, ça ne marche pas. Citez-moi un seul pays qui a des taxes très élevées et qui avait un taux de croissance important. Et là, il y a un historien qui dit les États-Unis, on avait un taux de taxation de 94% sur les revenus après Roosevelt, et ça a duré pendant toutes les 30 glorieuses, quoi, où il y avait le taux de croissance le plus élevé aux États-Unis. Bon, donc voilà. Comme vous voyez, les taxes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, donc, si je résume un peu le côté très positif, parce que, donc en gros, le marché est bien pratique pour permettre aux politiques de défausser, de prendre pas mal de décisions. Oui. Et de l'autre côté, la création monétaire ex nihilo, ça je crois que ça vient de ton bouquin, enfin, exogène, c'est bien pratique aux économistes pour pas assumer que leur modèle marche pas, quoi. Donc, comme ça, tout le monde se défausse et on est content, on est bon là. Ouais. Parfait, bah du coup c'est le bon moment, ouais, en effet Léa, belle transition pour parler du monde d'après. Juste très rapidement, mais en filigrane, comme j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tenait à cœur, parce qu'on parle un peu dans ton livre, et puis aussi dans tes épisodes, c'est peut-être parler justement, quand je dis du monde d'après, c'est de choses qui a l'impression qu'ils tiennent à cœur, je disais, donc en particulier le réchauffement climatique et de comment considérer les ressources naturelles dans l'économie. Je ne sais pas si tu veux nous en dire deux mots. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est les ressources naturelles sont inépuisables, en gros, dans les modèles économiques actuels. Les modèles économiques savent valoriser uniquement ce qui est possédé par quelqu'un et que ce quelqu'un vend. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un marché pour que ça ait une valeur. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vend quelque chose, ça n'a pas de prix et ça n'a pas de valeur. Voilà. Donc, pour les ressources naturelles, quand on paye pour un baril de pétrole, par exemple, on paye pour le travail, on paye pour les gens qu'il a fallu rémunérer pour aller chercher le pétrole. Mais on ne rémunère pas Dame Nature pour tout le boulot de fabrication du pétrole. Et en fait, c'est pareil pour tout. À la limite, on va payer pour le pays qui est assis sur les réserves de pétrole et qui dit, puisque c'est chez moi, je prends une royalties. C'est-à-dire, je prends vous devez me payer un droit d'appropriation d'un truc qui était chez moi à la base. Mais donc, du coup, pour imaginer que les ressources naturelles aient de la valeur, il faudrait que quelqu'un s'approprie les ressources naturelles et dise, ah bah là, c'est ma forêt. Et donc, si tu vas couper un arbre, il va falloir me payer tant par arbre que tu coupes. Tu vois ? Et ça, quelque part, je pense que je ne suis pas le seul à être mal à l'aise avec ce genre de concept. Parce que mettre un prix sur la nature, ça veut dire potentiellement que si le prix est trop bas, alors un téléphone vaut plus cher que n'importe quoi de naturel. Et ça vaut tout à fait le coup de brûler cet arbre pour avoir un téléphone. Et donc, où est-ce qu'on met le prix ? Qui définit le prix? Et voilà. Et potentiellement, si tu dis que le dernier couple de rhinocéros blancs, je sais pas quoi, vaut $1 milliard, est-ce que tu risques pas d'avoir un milliardaire qui arrive et tu sais quoi, je te le donne le milliard, moi je les tue et je les expose dans mon salon. Voilà. Donc, le problème du marché, c'est qu'à partir du moment où tu mets un prix, tu t'exposes au fait qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ok, j'achète ». Voilà. Donc, c'est tout le problème. Mais le problème de ne pas mettre de prix, c'est le problème que tu tiens pas compte du fait que c'est épuisable. Quoi. Voilà. Alors, l'autre façon de faire, c'est de dire vous n'avez pas le droit d'extraire plus de X tonnes par an. Voilà, interdit. Donc ça te limite ton potentiel économique. Si tu commences à dire les terres rares, c'est X tonnes par an et pas plus, eh ben, il n'y aura pas plus de gadgets dans la poche de tout le monde et pas plus d'objets connectés et machin, et on est obligé d'aller chercher le recyclage, etc. parce qu'on a limité, on a contraint. Donc en fait, c'est toujours ce même principe d'arriver à dire qu'à un moment donné, on va soit contraindre les prix à certains niveaux, donc à la hausse par exemple pour les salaires, ce que je disais, on met des fourchettes et on laisse le marché s'exprimer au sein de cette fourchette. On peut très bien aussi penser à des fourchettes de quantité et laisser le marché s'exprimer au sein de cette fourchette, en disant, là, il y a une quantité max, vous n'avez pas le droit de dépasser. Moi, je crois qu'on a parlé d'à peu près tout. Vous avez des questions, les autres, ou je conclue? La question du début que j'ai oublié de poser. Oui, c'est ça. La question du début dans la chatroom qui a été posée, c'est est-ce qu'un trader, c'est vraiment quelqu'un qui est en costard toute la journée et, et qui fume de la coke Ça se fume, la coke? Ça se sniffe. Non, ouais, moi j'ai sniffé beaucoup de coke, mais je l'ai pas fumé, non. Ouais. Non, pas du tout, hein, pas du tout. Il y a plusieurs sortes de traders, ça dépend d'où ils bossent, ça dépend de voilà. Il y a encore clairement des traders un peu stars dans les banques d'investissement qui se la pètent, qui sortent tard et il y a des histoires pas très nettes, mais je dirais que c'est quand même assez, assez rare. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Voilà. La plupart des traders, non, c'est des gens qui ne sont même pas forcément en costard, parce que c'est assez tranquille. Le trader, il n'y a pas besoin de voir les clients ou quoi. Tu es devant tes écrans, là, et puis tu parles aux clients par téléphone ou par... jamais en visuel. Donc, chemise chino, c'est fine. Et voilà, à la limite, c'est plutôt les vendeurs qui vont voir les clients qui viennent en costume. Mais même là encore, les mecs qui font le commercial des produits financiers, la plupart du temps, ils ne voient pas les clients, donc ils sont habillés tranquilles. Et quand ils vont voir les clients, on les reconnaît tout de suite parce qu'ils arrivent en costume cravate et on leur dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ?» Et ils disent « Ah, mais j'ai un déjeuner client. » Ah, bah voilà. Mais voilà. Et toi, tu étais quelle sorte de trader? Moi, j'étais. Alors, moi, en fait, j'ai fait un peu de trading, j'ai fait de l'analyse financière et j'ai fait de la vente de produits financiers. Et donc, j'étais très junior. Voilà, très. On me donnait beaucoup les merdes à faire pendant longtemps. J'étais cette sorte de trader-là. Qui se tape les reports, les reporting, les modèles, le code, les spreadsheets sous VBA, toutes les conneries comme ça. Mais du coup, qui comprenait beaucoup de choses que personne ne comprenait. Très bien, parfait. Ben, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et donc, je recommande à tout le monde de lire ton bouquin, qui vaut vraiment le coup. Et où vous aurez en plus de l'audio, les schémas, les fameux schémas, où tu représentes le système économique avec plein de flèches et plein de petits dessins. Quoi. Très bien. Et donc, on passe à la citation où normalement, on a Gilles qui nous a ramené une citation. Oui, alors ma citation, c'est une citation d'Einstein, parce que quand on ne sait pas qui citer, on cite Einstein et c'est facile. C'est un truc de vulgarisation où il dit « Si vous n'êtes pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne l'avez pas compris. » Et donc ça, c'est un truc qui est un peu au cœur de mes vidéos. À chaque fois, j'essaye de faire en sorte que mon deuxième personnage soit cet enfant de 6 ans qui me pose des questions et auquel je dois toujours être capable de répondre. Sinon, c'est que j'ai vraiment pas compris. Est-ce que tu peux juste rappeler comment tu t'appelles et comment s'appelle ta chaîne et où est-ce qu'on peut te retrouver, tout ça? Oui, alors donc je m'appelle Gilles Mito et ma chaîne s'appelle Eureka. Et ça s'écrit pas comme vous croyez, ça s'écrit HEU.REKA. Et donc, c'est une chaîne YouTube. Et je peux juste te demander pourquoi est-ce qu'elle s'appelle HEU.REKA? Eh bien, c'est un jeu de mots évident, me semble-t-il, où on se pose la question et Reka, on a enfin compris de quoi il s'agit. Bon, en gros, c'est juste que j'aime bien Retour vers le futur et le Eureka de Doc. Et du coup, je sais pas, j'ai fait un jeu de mots avec ce truc-là, mais ouais. Ça n'a rien tout à voir avec s'explique. L'économie. Merci beaucoup, parce que ça me perturbait beaucoup. Est-ce qu'on a un quiz, Eléa? Mais tout à fait, le quiz du moment est le suivant. On peut prendre un coup de soleil derrière une vitre, un faux ou un tox. Qu'en penses-tu, Gilles? Ah, ben moi, j'avais toujours entendu qu'on ne pouvait pas, parce qu'il n'y a que les infrarouges, je sais pas quoi, qui passent et pas les ultraviolets ou... Ouais, j'en sais rien. Ta réponse est notée, enregistrée et passera à la postérité. Et on répondra à la question dans le prochain épisode Roue Libre. Ok. Moi, je pense comme toi. C'est ce que j'ai toujours entendu, donc je soupçonne que ce soit faux. Bon, ben, merci beaucoup. Je vous propose de conclure ici. Donc, merci beaucoup. On a donc appris qu'en effet, l'argent pouvait tomber du ciel, mais que ce n'était pas aussi simple que ça, qu'il fallait quand même faire un peu attention. Que quand on a des dettes auprès de ses amis, il faut les rembourser. Quand c'est auprès d'une banque centrale, on peut discuter. Mais normalement, vous n'avez pas souvent des dettes auprès d'une banque centrale. Voilà, et puis plein de discussions autour de l'économie. On remercie encore beaucoup Eureka pour sa participation au podcast. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour l'épisode 424. Et puis, bah, bonne semaine. Thank you.